comment combattre l'intégrisme? Moi, je l'ai dit souvent, je l'ai répété. Je trouve que ce gouvernement-là est contradictoire. D'un côté, il dit qu'il veut combattre l'intégrisme ici et ça, mais de l'autre côté, il y a dans sa politique d'immigration une insistance obstinée à... Ils doivent parler français tout de suite pour les intégrer. Donc, résultat, il y a le 30-35% d'immigrants qui viennent du Maghreb. Donc, on veut... Musulmans. On veut arrêter de fumer en fumant en même temps. Tu comprends-tu? Il y a comme une contradiction là-dedans. On veut contrôler l'intégrisme, mais pas trop. On veut pas toucher à la politique d'immigration, alors que fondamentalement... On devrait commencer par là. On devrait commencer par là. C'est mon avis. Je connais pas ton avis là-dessus, Denis. Faut faire attention. Quelqu'un qui est déjà ici, c'est un Québécois. Mais on doit sélectionner de manière plus serrée. Il y a à être protégé par les mêmes règles que tout le monde. Ouais. Et avant de le vexer, de lui enlever des libertés, il me faudra des motifs sérieux. C'est ça une société développée. Mais en même temps, contrôlons aller chercher du monde au Maghreb, quand on s'est parlé la semaine passée, il y a tant de Français qui veulent partir. Il y a rien de plus naturel pour un Français que de s'en venir au Québec. Tu lui donnes un manteau d'hiver, il est déjà instruit, puis opérationnel. Ils sont très instruits, ces jeunes-là. Allons les chercher. Oui. Allons chercher des Latinos. J'étais allé au Mexique dernièrement. Écoute, ces gens-là conduisent à travers des routes qui sont en état de décrépitude comme les nôtres. Donc, ils conduisent à travers ça. Ils sont déjà adaptés à Montréal. Encore là, donne-leur un manteau d'hiver, mais pour la conduite, ils sont déjà tout entraînés. Non, puis au-delà de ces gens-là nous ressemblent plus. Puis au-delà de la joke, moi, je veux dire, j'ai côtoyé des Mexicains qui travaillaient dans les champs certains étés dans le temps où j'habitais plus en campagne. Puis travaillant, bien. Sympathique, drôle, travaillant, ça se lève à 4h du matin, ça travaille pour sa famille, tu sais, des belles valeurs bien placées. Puis les racines latines aussi font en sorte qu'il y a un mariage plus naturel qui se fait. Il parle pas français. Le seul PQ n'est pas d'accord avec nous autres. On est battés, là. Comprends-tu?